Wesh gros, ouais, bon, gros, bien, tranquille. Tranquille. Quoi de neuf là? Ouais, t'as pas entendu gros, le petit Kader. Petit Kader? Quel petit Kader? Le petit Kader là, juste, qui habite juste en haut de chez moi. Hein, ouais, bah qu'est-ce qu'il a? Bah oui, mais il s'est fait renverser, Miskin. Non. Ouais, bah, il s'est fait renverser la semaine dernière. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, oh, mais moi, j'ai entendu qu'il s'était fait renverser. Quoi. Ça y est, c'est l'heure. L'heure de ma mort, mon visage en frayeur, pense à mon mal et mes torts. 20 années, la durée de mon passage n'est pas assez œuvrée dans le din, même pas en bas âge. Enfermé dans le haram, pour être destiné aux flammes, ma souffrance sera plus dure que 100 coups de lame. J'ai tellement peur, peur du jugement. Les anges de la mort m'ont été décrits durement. Je vois la famille et les larmes de ma mère, où sont mes amis? Je sens mon âme qui se perd, où sont les pardons? De mes 5 prières sur le sol, j'ai posé mon front, mais j'étais sincère, maintenant il est trop tard. Je marche dans ce couloir, je voulais le paradis, mais mon cœur était trop noir. Naïf pour y croire, aucun échappatoire. La lumière du jour sera devenue celle du soir. J'attendais la mort, d'ici 30 ou 40 ans, elle a frappé à ma porte, me disant qu'elle n'avait plus le temps. Aujourd'hui c'est ton heure, c'est la mort qu'on t'apporte. Mon corps dans un drap blanc, c'est mon cercueil qu'on escorte. Vas-y arrête gros, pourquoi tu me dis ça d'un seul coup là? Mais parce que, toi tu sais quand tu vas mourir toi? Et si tu meurs demain, hein, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Écoute, aujourd'hui je suis là, un jour je serai plus là. Ici c'est déjà l'enfer, je veux le paradis au-delà. Pour ça, faut que je me mette à faire mes 5 prières. Et rapidement, avant que je quitte ce monde qui ne tourne pas rond, je récite mes couplets. Mieux que les versets, la salade, c'est ce qu'il y a de plus important. Je devrais verser, pourtant, je le sais. Faut que je voie ma foi progresser, elle est très fragile. Il ne faut pas la délaisser, faut que je réagisse avant le jour de la résurrection, que je réponde sincèrement aux quelques questions pour nous tous. Je souhaite l'ange de la miséricorde au visage étincelant et l'odeur agréable sur notre corps. Mais le diable est présent, là chaque mouvement comme du sable dans les yeux. Gêne quand tu pars dans le bon sens, par contre ne prends pas ça pour une excuse. T'es conscient de ce que tu fais, tu sais très bien qu'hier t'as bu. T'abuses et j'abuse là, rien ne va plus. Nous et notre conscience, je crois bien qu'on a rompu. Les anges de la mort vont être déçus. Allah et nos ancêtres nous regardent dessus.